Julien Vie, Valence Romans Sud-Rhône-Alpes. Donc, je vais vous parler du projet Biotep aujourd'hui, qui est un projet qui est né d'une démarche initiée par la collectivité, par la communauté d'agglomération du Pays de Romans, et qui a conduit donc à la réalisation et en tout cas au développement d'un projet de méthanisation conjoint entre la collectivité et des agriculteurs. Donc, Valence Romans Sud-Rhône-Alpes, pour situer, c'est la quatrième agglomération de la région Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2010. Et donc je parlais du pays de Romans puisque elle est née depuis le 1er janvier 2014 de la fusion de la communauté d'agglomération du pays de Romans, qui est donc un territoire à énergie positive, de Valence Agglomération et donc de la communauté de communes de Bourg-de-Péage qui est au milieu du secteur. Donc c'est une agglomération avec à la fois un bassin de vie urbain autour de Valence et de Romans, donc deux pôles urbains, et une forte dominante rurale sur tout le reste du territoire. C'est également un territoire qui a plein de ressources en matière d'énergie renouvelable et plein de projets, donc dans toutes les filières quasiment. Donc les grandes étapes de la démarche de méthanisation territoriale. Pour resituer, depuis sa création à la fin des années 90, elle a eu donc la communauté de communes du Pays de Romans, qui s'est transformée ensuite en communauté d'agglomération, entretenait déjà des liens forts avec le monde agricole et a un engagement politique fort en matière environnementale et fin des années, quoi, milieu des années 2000, sur le plan énergétique. Donc un des premiers plans climat en France également, le Pays de Romans. Et donc l'idée est partie d'une petite commune au nord de la communauté de communes, Saint-Christophe-le-Laris. Une idée et un constat des élus où était de dire sur notre commune, on a plus ou on a quasiment autant de ruminants que d'habitants. Donc autant valoriser cette matière organique pour en faire de la méthanisation, pour faire du biogaz. Qui plus est une station de stockage GDF sur la commune. Par contre, des coûts trop élevés et donc et pas de débouché thermique non plus pour une solution de cogénération. Donc un projet abandonné sur cette commune rurale. Cependant, une idée reprise par la communauté de communes et une décision donc d'engager une étude territoriale via Solagro. Donc la prestation a été confiée à Solagro en 2010 et donc a consisté à réaliser un schéma territorial pour la création d'une filière de méthanisation. Une méthodologie très construite en trois étapes, trois phases qui ont permis d'identifier au final, donc la finalité c'est d'identifier quatre scénarios d'études. De manière à rendre opérationnelle la stratégie territoriale. Donc la première phase d'enquête auprès des différents acteurs du territoire, donc des réunions d'information envers les agriculteurs, des enquêtes pour identifier leur volume de gisements de déchets organiques envers les industriels agroalimentaires, envers les grandes et moyennes surfaces, et envers les collectivités. Tout ceci pour identifier sur le territoire le volume et le gisement de déchets organiques, et également en parallèle les débouchés pour le biogaz, que ce soit en cogénération ou en injection. Donc une deuxième phase qui a permis de construire une cartographie croisée des gisements de déchets organiques et des débouchés pour le biogaz, et une troisième étape de dimensionnement des scénarios. Également, pour ne pas créer de concurrence sur le territoire, les projets de méthanisation proches ont été pris en compte. Donc, on le verra, on a un gros projet assez proche sur le territoire de l'agglomération, le projet CIPER, et d'autres projets qui étaient en marge du territoire. Donc, les industriels agroalimentaires concernés par ces projets ont été exclus de l'enquête. Le schéma de méthanisation a été mené dans un temps assez court, il a été lancé après l'été 2010, il a été rendu durant l'hiver 2011. Donc la première étape, comme je disais, donc toute une série d'enquêtes auprès des agriculteurs qui ont démarré via 4 réunions d'information, une vingtaine d'enquêtes recueillies, auprès des agro-industriels également 50 enquêtes lancées, donc 50% de taux de réponse, et des grandes et moyennes surfaces tout enquêtées. À partir de ces enquêtes, 11 000 tonnes de déchets identifiés, de matières identifiées. Et en parallèle, les sites fortement consommateurs d'énergie sur le territoire, donc d'énergie thermique essentiellement, de chaleur, le lycée horticole de Romans, qui est l'objet du projet au final, le centre hospitalier de Romans, donc là on parle de besoin de chaleur, donc à peu près 5 gigawattheures de chaleur sur le centre hospitalier, 2 gigawattheures sur le lycée horticole, qui comprend des serres également sur le site. Et les bâtiments communaux également enquêtés, les piscines essentiellement, donc fortement consommateurs de chaleur, et les bâtiments avicoles. À partir de la cartographie croisée des gisements et des débouchés, trois communes, dont la commune de Romans-sur-Isère, sont ressorties comme les communes propices pour développer un projet. Ce qui a permis de dimensionner 4 scénarios. Je vous passerai tous les chiffres. En gros, un scénario de méthanisation individuelle, donc méthanisation une unité à la ferme, avec l'agriculteur qui valorise ses propres déchets. Également des intrants extérieurs de manière à rentabiliser le projet. Donc sur moins de 100 kW électriques, toujours sur de la cogénération, et le chauffage de ces bâtiments agricoles. Le deuxième scénario, c'est de la méthanisation en petit collectif, donc dimensionné à partir des besoins de chaleur du lycée, situé sur Romans-sur-Isère, et des serres attenantes, c'est à peu près 2 gigawattheures de chaleur, le lycée et les serres attenantes. Donc une cogénération, là, pour le coup, plus grosse, de 450 kW électriques, donc un peu moins de 15 000 tonnes d'intrants. Et des déchets qui sont assez mixtes, puisque ils viennent à la fois de l'industrie agroalimentaire, des collectivités et bien entendu de l'exploitation agricole. Ensuite, deux scénarios qui sont assez proches à une autre échelle, donc la méthanisation territoriale avec valorisation thermique et le même dimensionnement avec injection réseau. À partir des besoins de chaleur de l'hôpital, donc là un projet avec une soixantaine d'agriculteurs, toujours un rayon de collecte assez proche du site identifié. Par contre, un projet complexe et surtout un projet en concurrence avec le projet CIPER, qui est situé à peine 5 km, qui est là pour le coup un projet privé mais beaucoup plus avancé en développement. Donc une cogénération de 750 kW électriques sur ce projet de méthanisation territoriale. Donc le même dimensionnement avec injection réseau, mais le même constat, un projet complexe, un projet rentable mais très complexe, et la même concurrence avec le projet CIPER. Au final, deux orientations sont retenues à partir de cette étude territoriale. Le soutien, dans un premier temps, méthodologique pour les unités à la ferme. Donc plusieurs, depuis 2010, depuis 2010-2011, plusieurs projets d'agriculteurs projets individuels, soit la phase d'idée, soit plus avancés en développement, et avec lesquels on a des contacts réguliers, méthodologiques. De même qu'ils ont des contacts réguliers avec l'Agence régionale de l'environnement, Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et le soutien là beaucoup plus opérationnel au projet BioTEP, et donc le scénario 2, le projet territorial en petit collectif d'agriculteurs, et qui se situe sur le site du lycée horticole. Alors, pour arriver à ce projet, à partir du rendu de l'étude territoriale, une communication donc a été faite dans la presse locale sur les orientations retenues, sur les résultats de l'étude et sur les orientations retenues. Et très rapidement, de par lien fort entre les services, les élus et le monde agricole, les porteurs de projets, un porteur de projet s'est rapidement manifesté, ce qui a permis de développer donc le projet Biotep. Donc suite à cette communication, donc qui a fait office d'appel à candidature, deux porteurs de projet, messieurs Rosan et Foulou, donc deux agriculteurs, et un souhait de la collectivité de participer activement également au projet. Donc c'est le premier point là. La communauté d'agglomération a créé une SEM en 2010, donc la Cause Pro, la compagnie solaire du pays de Romans, qui n'a pas vocation à développer que du solaire, mais toutes les énergies renouvelables, dans laquelle l'agglo détient près de 85% des parts. Donc la participation maximale pour une collectivité dans une SEM, le restant de l'actionnariat étant composé d'énergie partagée et donc d'un bailleur social territorial. Et par le biais de cette SEM, les discussions ont pu avancer avec le porteur de projet, le lycée, la région, l'Agence régionale de l'environnement, sur l'implantation du projet dans l'enceinte du lycée et sur le portage juridique du projet, donc avec la création d'une société de projet qui s'appelle la société la SAS Biotep, société par action simplifiée, dans laquelle la SEM détient 33% des parts. Donc voilà, 33% des parts, pourquoi une minorité de blocage par les statuts de SAS. Donc une maîtrise publique du projet, une légitimité aussi territoriale, de par l'implication de la collectivité via la SEM. Donc un projet dimensionné au jour d'aujourd'hui à 250 kW électriques sur le site du lycée avec environ 10 000 tonnes d'intrants. Un projet qui est encore en développement, des dépôts d'autorisation qui seront certainement réalisé d'ici la fin de l'année, et un accompagnement fort par la région et par l'Agence régionale de l'environnement du fait de son implantation sur le lycée. Le projet donc sera une cogénération. On a une ligne électrique qui passe sur le site du projet, donc plutôt intéressant, et les serres du lycée, donc on s'est mis sur le site du lycée pour avoir un réseau de chaleur le plus court possible, manière à réduire les coûts de réseau. Et un plan d'épandage, donc avec un accompagnement par la Chambre d'agriculture qui s'est aussi investi sur le projet. Enfin, pour terminer, les intérêts du montage SEM-SAS. La volonté politique des élus sur le territoire étant de s'investir dans les projets d'énergie renouvelable justifie la création d'une société d'économie mixte locale, ce qui permet donc de garder la maîtrise publique des projets, mais aussi d'assurer pour le territoire un retour des dividendes et une plus grande acceptabilité au niveau territorial. Et la société par action simplifiée, donc comme je disais tout à l'heure, c'est permis de mettre une minorité de blocage, donc qu'on a fixé dans le pacte d'actionnaires, à 33%, et surtout d'assurer une rémunération annuelle des actionnaires, donc, chose essentielle pour les agriculteurs.